Yo, c'est l'amateur au micro et aux platines. Ce soir, c'est Amateurisme, votre rendez-vous mensuel avec moi. Gilles est à la technique avec moi pour m'aider ce soir. Et au programme, plutôt du rétro-futurisme. Des groupes 80 qui sonnent comme des groupes de maintenant. Et des groupes de maintenant qui aiment bien sonner années 80, par exemple. Ce genre de choses. On va rester autour de 100-110 BPM, plutôt tranquillou, mais parfois un peu barré. C'est Amateurisme sur Radio Grenouille. We'll be right back.

We'll be right back. Thank you. Je suis la reine. bonbons. Comme des bonbons, comme des bonbons, comme des bonbons. Who me? I is the queen. Yum and bad. Just like machine. Bon, bon, bon, bon. Why you go do? When you wind your heart on you, wind. Qui moi? Je suis la reine. Je suis fort. Ça c'est certain. Délicieux. Comme des bonbons. Comme des bonbons. Comme des bonbons. Comme des bonbons. Délicieux. Comme des bonbons. Comme des bonbons. Comme des bonbons. Comme des bonbons. highest above all things. The carefully preserved optimism of the middle classes. Still, Harry dreams the dream of a bourgeois life. Think of a garden with 100 kinds of trees. Un peu de poésie pour finir ce mix qui a mis du temps à monter mais qui est bien monté dans les tours à la fin avec ce magnifique remix de Manfredas de Charivari. Le morceau s'appelle Dance Alone, c'est le morceau juste avant. Et là on se quitte avec une réédition, c'est Dorothy Colum, de Steppenwolf, c'est une, disons la création d'un, pour le théâtre qu'il a fait au début des années 2000. Ça vient d'être réédité et c'est magnifique, tout l'album est très très beau, très varié, et je suis content de finir avec ça, Dorothy Colum, pour finir ce volume d'amateurisme. Merci à Gilles, merci Radio Grenouille, on se retrouve dans un mois au platine et au micro des 3-8, bye bye, ciao. Most of the garden would be of no use to him. He would get rid of the flowers and cut down the trees and even hate them.